Chapitre 2e. La belle inconnue. Le bal battait son plein dans l'établissement de Clairfou. Les amateurs de bal s'en donnaient à cœur joie. La salle de danse des enfants de l'Aveyron retentissait de cris de plaisir, de rires perlés de jeunes femmes qui scandaient les éclats de l'orchestre rudimentaire. Autour d'une table, vers le fond, dans le coin sombre, trois hommes étaient assis devant des verres du célèbre vieux mar de l'Aveyron. Ils regardaient et les danseurs et les gens qui venaient voir danser. L'un de ces hommes était assez âgé. Il portait un chapeau gris, cassé, crasseux, la barbe blanche en broussailles. Son nez enluminé tomba presque sur la pipe culottée au court tuyau tenu au coin de la bouche. Il offrait le type parfait du vieil ouvrier, ayant fait toutes sortes de besognes, mais pour qui la semaine comptait plus de lundi et de dimanche que d'autres jours. L'autre, au contraire, visait à l'élégance et était habillé avec un mauvais goût parfait, très à la mode dans certaines catégories d'individus formant une bonne partie de la clientèle de Clafou. Il avait un complet de couleur foncée, des chaussettes claires sur des souliers vernis, une chemise à raies de couleur avec un grand col très haut qu'entourait une large cravate de violente couleur rose dans laquelle se trouvait piquée une épingle en diamant. Aux mains, en outre, il portait de grosses bagues. Beau garçon, des yeux clairs et vifs, une fine moustache noire soulignant une bouche aux dents pointues, le menton volontaire, l'air dur, cruel. C'était le spécimen le plus caractéristique de ces gentlemen qui, grâce à leur beauté mâle et brutale, à leur point dur, trouvent le moyen de vivre facilement du charme des femmes en cheveux ou énormément empanachées qui font les carrefours, les trottoirs des boulevards, les music-halls ou les établissements de nuit. Quant au troisième, la figure encadrée de barbe, un chapeau gris rabattu sur les yeux, il était vêtu en ouvrier. Fumant une pipe de bois, il regardait dans la salle, écoutait ses amis et parlait peu, ne disant qu'un mot, indiquant plutôt par un mouvement de tête son approbation ou son mécontentement. Les trois hommes répondirent plusieurs fois au salut, au signe qu'en passant près d'eux faisaient les clients de Clafou. Ils semblaient toutefois très absorbés par les paroles que prononçait le vieux, car le galant jeune homme plissait les sourcils et faisait rageusement, d'un coup sec, souvent tomber la cendre de sa cigarette à bout doré. « Mon garçon, disait l'homme à la barbe blanche, je crois que nous nous relâchons un peu, nous dévions trop. Où vois-tu cela, mon oncle? Nous nous lançons dans des affaires qui nous font perdre beaucoup de temps, dans lesquelles nous jouons gros jeu et qui ne nous rapportent rien. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. Voilà déjà quelque temps que nos hommes n'ont rien touché. C'est qu'ils ne travaillent pas. Ils grognent. Laisse-les grogner. Ils chanteront quand nous ferons une bonne distribution. Oui, mais quand? Prochainement. » Avec un mouvement d'impatience, le neveu s'écria. « Nos hommes savent que nous pouvons faire toutes les semaines une distribution. Ce ne sont pas des employés qu'on paye à date fixe. Ce sont des associés qui subissent les fluctuations de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils trouvent que nous échouons trop souvent. Hein? Ils disent cela. Non, ils ne le disent pas précisément, mais ils le pensent tout haut. Les brutes. Ce n'est bon que pour cambrioler des villas de bourgeois, pour opérer en banlieue ou dans les chambres de bonne, crétins, idiots. C'est content quand ça se partage 40 sous, quand ça emporte une demi-douzaine de cuillères à café en métal blanc ou une pendule en zinc. Ils ne comprennent que le profit immédiat. Nos opérations sont de longue haleine, c'est vrai, mais elles roulent sur des millions. Elles n'ont pas été heureuses jusqu'à présent. Ce n'est pas notre faute, mais nous allons tout réparer. Nous sommes là ce soir pour faire passer les mots d'ordre, pour tout préparer. Pour jeudi, oui, nous devons prendre notre revanche de la rivière. » Et, riant, le neveu ajouta, « Je crois que cette fois il y aura un bel arrosage. » L'oncle agita sa tête à barbe blanche. « Oui, fit-il, oui, je le crois aussi. » Et il ajouta, « Maintenant, mon garçon, laisse-moi te dire, puisque nous pouvons parler tranquillement ici. » Que tu te compromets, que tu gâches ton temps et cours vers des risques inutiles, en poursuivant toujours ta rirée. Le neveu tressaillit. Mon oncle, je te vois venir. Cependant, nous nous sommes déjà expliqués sur ce point. Rirée a failli plusieurs fois nous coûter gros, à mon avis, bien inutilement. Voyons, elle est jolie, c'est entendu, mais combien y en a-t-il qui l'avalent, et qui serait moins difficile à prendre? Ça ne serait pas rirée. Alors tu en es réellement amoureux? Peut-être. L'oncle prit le bras de son neveu et le secoua. « Mais, mon garçon, tu n'as pas le droit d'être amoureux. »« Non, » dit cette fois énergiquement l'ouvrier au chapeau gris. « Si, quand cet amour est, outre une joie pour le cœur, une bonne opération pour la poche. Riri est merveilleusement jolie, jolie comme elle seule peut l'être. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et Riri, en plus, a quelques millions à venir, tu le sais aussi bien que moi. Oui, mais... Nous avons trouvé dans les papiers du banquier Montreuil et de maître Béjanet les créances de la famille Ménardier et le moyen de lui faire rendre sa fortune. C'est pour cela, autant pour son charme exquis, que je poursuis Riri. J'ai voulu la compromettre. Je l'ai attirée dans un guet-apens dont elle ne devait sortir qu'en devenant ma femme. Car c'est seulement en étant son mari que je peux entreprendre les démarches pour obtenir la restitution des millions volés par cet honorable Montreuil. D'accord. Le guet-apens n'a pas eu le résultat que nous escomptions. J'ai imaginé le coup du vol des dentelles et de l'arrestation. J'espérais que Riri, affolée, tomberait dans mes mains qui venaient la délivrer. Raoul se trouva là, dit l'homme au chapeau gris, coup manqué. Et aujourd'hui, reprit l'oncle, les fils Montreuil, ces bons naïfs, restituent et rendent l'argent si bien gagné par leur charitable papa. Riri va rentrer en possession de sa fortune. Et nos renseignements derniers nous disent que Riri aime Raoul. Alors pourquoi veux-tu poursuivre encore Riri? Le neveu frappa du poing sur la table, et les dents serrées, les yeux pleins de haine, rageusement il répondit « Parce que j'aime Riri, là !»« Vous êtes fou !» dit l'homme au chapeau gris. « Yes, tout à fait fou !»« C'est possible, mais je l'aime, je la veux. Entendez-vous, je la veux !»« Et quand je dis cela, rien ne peut me barrer la route. Je la veux, je l'aurai !»« Qu'elle soit ma femme ou ma maîtresse, je l'aurai !»« Je veux me venger de mon premier échec de la villa. Je veux aussi me venger de Raoul. » J'ai à lui faire expier le soufflet qu'il m'a donné dans l'infirmerie du dépôt devant Riri. Vous comprenez, je veux me venger de Raoul et de Riri. Et je ne peux le faire que comme ça, en prenant Riri. Le vieil oncle secoua la tête. Tu ferais mieux de laisser tout cela tranquille et de ne plus penser qu'à notre prochaine opération, qu'il faut absolument réussir. Oh, de celle-là, je réponds. Un dernier conseil. Puisque tu es si amoureux, jette-toi dans la rivière. C'était probablement un jeu de mots. Il amena un sourire sous la fine moustache brune du beau neveu, mais presque au même moment, ce sourire à peine ébauché cessa pour faire place à une crispation violente de la bouche. « Regardez !» dit le neveu vivement. « Regardez !» Il désigna d'un mouvement de tête un couple de danseurs. L'homme au chapeau gris aperçut lui aussi ce groupe. Il tressaillit, un frémissement parcourut son corps, et malgré lui, un sourd juron anglais s'échappa furieusement de ses lèvres. Les trois hommes regardaient avec une émotion poignante le couple s'avancer. Un homme jeune, fort, vigoureusement taillé, une figure de brute, qu'on appelait la terreur d'Ornano, une femme grande, admirable de forme, avec de grands yeux noirs, une bouche rouge, qui dans un sourire exquis montrait des dents de jeune loup, d'une radieuse beauté de brune avec un teint de clarté éblouissante, sous les torsades épaisses de cheveux noirs. Il y eut une poussée d'hommes quand cette femme parut et se mit à valser, et des murmures d'admiration l'accueillirent, des grognements de convoitise, des regards de folie la suivaient. Ce fut un moment intraduisible où éclata la frénésie d'amour de tous ces hommes jeunes, forts, vivants de l'amour, et le besoin de crime qui va de pair avec cet amour brutal. Tous, le cou tendu, ils cherchaient à aspirer le parfum subtil et enivrant qu'en tournoyant dégageait cette femme merveilleuse, apparut ce soir pour la première fois dans ce bouge. Leurs mains crispées caressaient machinalement au fond de leur poche leur revolver, ou le silencieux mais sûr couteau à cran d'arrêt. Il y aurait eu tout de suite certainement bataille féroce pour cette femme, du sang répandu pour sa conquête. Mais elle était au bras de la terreur d'Ornano, et cela calmait les plus enfiévrés. « Regardez, » dit encore le neveu. « J'ai vu, » dit l'homme au chapeau gris. « J'ai vu. » fit l'oncle avec sur le visage non seulement l'indice de la surprise, mais aussi de la rage et de l'inquiétude. Les trois hommes alors se levèrent. Ils allèrent se poster dans la foule, près de l'endroit par où devaient, après la danse, sortir ces deux sensationnels valseurs. Mais en même temps que l'oncle, le neveu et leur compagnon, deux hommes, deux paisibles ouvriers qui occupaient à quelque distance de là une table, se levèrent également. « Tu es sûr maintenant ?» demanda l'un à voix basse. « Oui, chef. » répondit l'autre de même, pas moyen de douter. C'est bien le baron Dupont. Et l'autre? L'autre, je ne le connais pas. C'est mon cher confrère Tom Twig, le détective américain. Yes, mais le troisième. Ah, celui-là, je crois que c'est lui. mais il est tellement bien maquillé que j'hésite. Ces deux hommes étaient, on l'a compris déjà, le détective Paulin Broquet et l'amorce, qui venaient encore chez Clafou pour avoir des renseignements, tâcher de savoir si, comme il le supposait, comme l'avait donné à entendre à la bonbonnière la série d'indiscrétions du poète précurseur, quelque chose réellement se préparait pour le jeudi prochain. La danse finie, la valseuse brune et la terreur d'Ornano sortirent de la salle. Ils traversèrent une haie d'hommes frémissants, haletants, comme prêts à se ruer. La terreur d'Ornano avait passé son bras autour du cou de la valseuse et sa large main lui couvrait entièrement l'épaule gauche. Il la tenait ainsi pressée contre lui pour bien montrer à tous qu'elle était à lui, bien à lui, et qu'avant d'y toucher, c'est à lui, la terreur d'Ornano, le plus fort de tout le quartier, le roi des souteneurs, qu'on aurait affaire. On se le tint pour dit, nul n'osa s'approcher. Mais la terreur d'Ornano et sa nouvelle conquête ne s'arrêtèrent pas dans l'établissement de Clafou. Ils étaient, semblait-il, seulement venus pour une valse. Le succès remporté leur suffisait sans doute. Ils quittèrent donc les enfants de l'Aveyron, passant comme un couple royal entre une double haie d'admirateurs, de courtisans. Puis, se tenant toujours ainsi, lentement, ils s'engagèrent sur le boulevard de la Chapelle. À cette heure, le boulevard est sombre, désert. Sur les trottoirs où les cabarets louches jettent leurs lueurs blafardes, sous les voûtes du métro dont les arches énormes forment autant d'abris obscurs et perfides, de rares passants hâtent le pas. Les rafales du vent tourbillonnent en ululant, coupées par les sifflets aigus ou les aboiements des locomotives qui rentrent dans la gare du Nord. La belle inconnue aux yeux de velours et son redoutable compagnon s'engagèrent donc, sans la moindre crainte, s'étreignant amoureusement sur ce boulevard au terrible aspect. La terreur d'Ornano, connaissant son pouvoir, se croyait en sûreté dans ce qu'il regardait comme son domaine, son royaume, et il racontait à sa conquête des fadaises d'amour, tout en la serrant de plus en plus contre sa vaste poitrine et en baisant ses cheveux nus que retenait en grosse coque un ruban de velours noir. Mais la terreur d'Ornano fut tout à coup grandement troublée dans la cour qu'il faisait à la merveilleuse valseuse. Trois ou quatre hommes se jetèrent soudain sur lui, le séparèrent de sa compagne. Deux d'entre eux s'emparèrent alors de la jeune femme et cherchèrent à l'entraîner. Mais il ne fallut que quelques secondes à la terreur, extrêmement surpris, on le conçoit, pour se remettre. Il s'apprêta à faire face à ses adversaires, et il se secoua comme un sanglier coiffé qui veut se débarrasser des chiens accrochés à ses oreilles. Il parvint à saisir à bras-le-corps deux de ses ennemis, mais au cours de la lutte, son pied dépassa le rebord du trottoir, manqua d'appui, il tomba à terre, entraînant avec lui ceux qu'il combattait. La lutte continua, féroce, terrible, dans le ruisseau. De son côté, la jeune femme soutenait hardiment le combat contre ceux qui l'attaquaient. Elle se retourna vivement dès la première phase de l'attaque, saisit le plus proche des hommes, s'empara de son bras. Alors elle se pencha et envoya rouler de l'autre côté son ennemi qui hurlait de douleur, un bras cassé. La femme prestement se releva, hardie. Elle sauta sur le second assaillant. Elle le saisit à la gorge, voulut lui faire encore une prise japonaise. Mais l'homme connaissait aussi le jiu-jitsu. Il sut parer l'attaque. La jeune femme se dégagea et recula pour revenir à l'assaut avec un nouveau coup. Mais alors deux des hommes qui avaient abandonné la terreur d'Ornano une fois qu'on l'eut mis à terre, vinrent se placer à côté de son adversaire, prêts à s'emparer d'elle dès qu'elle tenterait une nouvelle prise. Sans avoir peur, toutefois, la jeune femme s'arrêta dans l'élan qu'elle prenait. Elle fit quelques pas en arrière, s'enfuir, mais pour seulement prendre du champ. Et tout à coup elle étendit la main droite, menaçant ses trois adversaires. Aussitôt les trois hommes reculèrent, poussant des cris de douleur et portant vivement la main à leurs yeux brûlés par un jet de liquide corrosif. Alors, la jeune femme délivrée se mit à courir en remontant le boulevard. Comme elle passait sous le cercle lumineux d'un bec de gaz, sous les épaisses torsades de ses cheveux noirs défaits durant la lutte, brilla comme une large écharpe d'or une natte dénouée de cheveux blonds roux. « Elle ?» s'écria aussitôt quelqu'un. « Chef, je la suis !»« Bah !» dit une seconde voix. Et l'amorce, qui dans l'ombre d'un des piliers du métro avait avec Paulin Broquet assisté à toute cette scène, se précipita derrière la valseuse énigmatique. Elle avait traversé le terre-plein. De l'autre côté, une automobile stationnait dont le moteur ronflait. La jeune femme ouvrit la porte, monta dans la voiture. « Hup !» fit-elle. « Go !» Comme elle se retournait pour fermer la porte, Près d'elle, sur le coussin de la voiture, l'amorce bondit. Mais aussitôt, l'amorce poussa un cri et porta les mains à ses yeux, douloureusement atteint par un jet de ce liquide qui avait aveuglé les autres adversaires de la belle inconnue. La jeune femme alors s'empara des poignets de l'amorce, et par la portière en grand ouverte, elle chercha à le jeter hors de la voiture qui marchait à toute allure. Mais à la clarté d'une lanterne de la voiture, elle vit le visage de l'amorce. « Oh ! » s'écria-t-elle surprise. « Vous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quel dommage ! Vous, un Broquet !» Alors elle referma la portière et aussitôt elle dit à l'amorce « Rassurez-vous, ce qui vous fait souffrir en ce moment, ce qui vous aveugle n'est nullement un corrosif dangereux. C'est tout bonnement un parfum un peu fort en alcool. Attendez, laissez-moi vous jeter un peu d'eau sur la figure, et dans quelques instants, la cuisson disparaîtra. » Elle prit dans un tiroir de la voiture, qui semblait aménagée comme celle de Paulin Broquet, une éponge fine, un carafon plein d'eau, et bassina les yeux de l'amorce. La douleur, en effet, cessa presque aussitôt. L'amorce put ouvrir les yeux. « C'est fini, n'est-ce pas ?»« À peu près. »« Tant mieux. D'autant qu'il faudra que votre admirable chef Paulin Broquet m'excuse encore de ce que je vais faire à son hardi lieutenant. » À peine eut-elle dit cela, qu'elle enveloppa la tête de l'amorce d'un voile de caoutchouc plein de coton, dans lequel, selon la méthode de Zygomar, il y avait une ampoule de chloroforme. L'amorce voulut se débattre, mais la jeune femme aux cheveux roux le maintint sous sa rude poigne, et peu à peu, il tomba vaincu par le puissant narcotique.